Les travailleurs, jeunes et enfants endimanchés de tout le pays, ont passé joyeusement le 11 février, fête folklorique de la pleine lune du calendrier lunaire. Les enfants ont joué au cordon multicolore, à la corde, à la toupie, au cerf-volant et à d'autres jeux folkloriques dans divers endroits de Pyongyang et d'autres régions, notamment les places Kim Il-sung, de l'Arc de Triomphe et du Palais de Sport de Pyongyang. Les parcs et autres lieux de distraction étaient animés de danse, alors que dans chaque foyer, on a préparé les mets nationaux traditionnels tels que du riz à 5 céréales et 9 plantes comestibles séchées, tout en jouant aux yutes et aux échecs. Par ailleurs, les restaurants de Pyongyang comme Hongnyu, Chongnyu et des autres provinces, tels que les restaurants de Sarivon, Sinhong de Hamon et Okay de Haeju, ont réservé les plats spéciaux nationaux comme nouilles de Pyongyang, du riz médicinal et crêpes de lentilles vertes. À la levée de la lune après le coucher du soleil, les habitants ont admiré la pleine lune sur la colline Moran, au bord du fleuve Taedong, au site pittoresque et ailleurs du pays.